question un petit peu rapide, mais j'ai justement de nous quitter dans presque maintenant moins de 40 minutes, donc il faut vraiment qu'on puisse profiter de cette table ronde le plus possible. Donc je vais essayer de faire très rapide. Je vais présenter donc nos deux intervenants à cette table ronde. À ma gauche, Hervé Aubin, qui est actuellement rédacteur en chef adjoint du magazine littéraire et qui est critique de cinéma pour les revues Vertigo et les Cahiers du cinéma, et qui a été l'auteur d'un essai sur Pixar, Génie de Pixar, en 2011. Et donc à ma droite, j'ai Simon, qui est en ce moment le directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême, et qui est l'auteur, comme vous savez très probablement, de nombreux textes et dossiers consacrés à l'animation, en particulier dans Positif. On aura l'occasion de revenir plus précisément là-dessus. Je vais juste vous dire très rapidement la raison pour laquelle on a voulu consacrer un temps particulier à ces écritures critiques. Il nous a semblé, en particulier à la suite de notre travail doctoral, je parle pour les organisateurs, mais évidemment ça va plus largement dans le sens d'études de cinéma d'animation à l'université, donc aussi pour les cours, on s'est rendu compte que les textes critiques, les textes publiés dans des revues spécialisées ou non spécialisées, étaient parfois étaient très importants théoriquement et étaient aussi parfois des sources uniques et principales sur certains sujets, dans des cas extrêmes comme ceux où, par exemple, les films sont perdus et où ils sont devenus les dernières traces, mais aussi dans des cas beaucoup plus simples où on sait très peu de choses sur les films ou sur les auteurs et où ils deviennent vraiment des sources très très importantes. Donc c'est pas véritablement une optique historique qu'on va essayer d'utiliser ici, mais plutôt essayer de remettre dans le contexte l'importance de ces textes par rapport à la critique, par rapport à ce que c'est que l'activité d'un critique vis-à-vis du cinéma d'animation, et puis éventuellement mettre en relief les difficultés et les problèmes que peut poser cet objet pour la critique en termes d'accès, de visibilité, de diffusion. Donc ils vont a priori chacun se présenter avec cette idée qu'on leur a demandé de mettre en avant leur expérience de critique par rapport à l'objet cinéma d'animation. Et je vais laisser tout de suite la parole, je vais aller. Déjà, je crois qu'on a un profil très différent avec Simon, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste d'animation. Il faut juste que, effectivement, au moment où j'étais au Cahiers du cinéma, donc, entre 2005 et 2009, pas si longtemps que ça, d'ailleurs, il s'est trouvé que par un concours de circonstances, en fait, des premières notes que j'ai faites, bon, Cahiers en plus, ce n'est pas forcément une période où il y avait quelqu'un de particulièrement attaché à l'animation. Et il se trouve tout simplement, et donc voilà, c'est pas du tout, je fais du tout, pas particulièrement travaillé par ailleurs sur l'histoire de l'animation ou la théorie de l'animation, mais je pense que c'était ça aussi l'intérêt de le faire comme ça, c'est que c'était du cinéma tout simplement, et donc j'en parlais comme de cinéma bien sûr. Mais il s'est trouvé qu'une de mes premières notes, je me suis retrouvé à faire, voilà, c'est Gromit, c'est ça. Donc c'était un concours de circonstances, et que j'ai pris beaucoup de plaisir. En fait, il y a eu un enjeu tout simplement de description, ça, on pourrait en parler. Il s'est trouvé que j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer de décrire cela. C'est pas facile à décrire, et que cette histoire de texture, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est et cet enjeu de la description, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours dans une critique. Mais évidemment, dans le cinéma d'animation, c'est particulièrement un exercice que je trouve difficile, et aussi un grand plaisir d'arriver à toucher à la texture d'une image. Voilà. Et donc c'est parti de la pâte à modeler, il se trouve que à l'époque c'était Emmanuel Bourdonnet de chef, et voilà, je me suis retrouvé, un peu malgré moi en fait, affecté notamment à suivre l'animation. Et donc notamment les films Pixar, puisque évidemment ça c'était un des grands enjeux du moment, vous savez moi en ce moment j'ai l'impression que maintenant Pixar, mais c'est quand même le moment où effectivement Pixar s'imposait souverainement dans le champ de la critique cinéma. Et à partir de là, donc, il y avait cet enjeu de description qui me plaisait beaucoup, et puis il y avait aussi l'enjeu du feuilleton, en fait, petit à petit, de compte-rendu en compte-rendu. J'ai commencé à me bricoler, non pas une théorie générale, mais une théorie presque, c'est une farce, une fable théorique, que donc j'ai prolongé finalement dans ce petit livre qui s'appelle Génie de Pixar. Mais bon, il se trouve que j'avais fait aussi des textes sur Miyazaki, du coup, sur McLaren aussi, puisqu'il y avait cette réédition de McLaren, et bref, vraiment de manière, et en fait c'était très libre pour moi d'un certain point de vue, ce côté, bon, je vais bricoler, ce côté un peu candide qui arrive et qui, à partir, puisque voilà, il fait une sorte de petit feuilleton, il commence à fabriquer quelque chose. Voilà. Et l'idée étant aussi, bien sûr, qu'il s'agissait de parler du cinéma, tout court, enfin, après, voilà, à partir de ces films-là, particulièrement, puisque donc je ne traitais pas que l'animation. Et donc, à partir de Pixar, pour en parler, j'ai essayé d'aborder des enjeux qui me paraissaient concerner le cinéma en son ensemble. Donc voilà, j'étais le. Voilà, je suis toujours le candidat d'ailleurs sur l'animation. Merci. Ben, moi aussi, en fait. Moi aussi. Enfin, moi je suis complètement quand j'étais petit, un petit peu, quand même. Moi je suis donc fils de critique. Critique dans une revue qui est. Et sans attendre la cinématographe, une revue qui s'est beaucoup intéressée à l'animation. Parmi mes petits gris-gris que j'ai sur moi, non, je plaisante, hein. Il y a bien sûr le livre d'André Martin, puis il y a ce numéro positif, numéro 14-15, de novembre 55, donc je n'étais pas né, couverture, Trinca. Je crois qu'il a fallu attendre au moins 20 ans pour qu'une revue de cinéma mette à nouveau en couverture un film d'animation, hein. Au moins, sinon plutôt 30 d'ailleurs. À part Rosie. Donc positif, donc voilà, je suis né là-dedans, j'ai côtoyé tout gamin Bédaïoun, j'allais aux collections de presse, j'allais dans les festivals, etc. Et puis, je laissais ça un petit peu derrière moi. Et puis pour moi, effectivement, l'animation, c'est du cinéma. Mais d'ailleurs, souvent, je dis un peu par provocation aujourd'hui encore, quand on me demande un peu ce que c'est, cinéma d'animation, on se rend compte que les gens mélangent. Maintenant, je suis dans la bande dessinée, donc mélange bande dessinée et dessin animé, je mélange les appellations. Enfin, tout ça est assez confus pour le public. Et donc, je dis toujours, ben, dans le cinéma d'animation, il y a le dessin animé, l'animation de volume, la pixelation, etc. Puis et tout l'animation de personnages de Gérard, qu'on appelle communément le cinéma, mais qui est une des catégories du cinéma d'animation. Voilà, c'est une provocation, mais c'est pour dire quand même que le cinéma d'animation doit s'appréhender avant tout comme du cinéma, mais après je vais venir un petit peu sur le détail. Bref. Peut-être parce que justement je suis tombé dedans quand j'étais petit et que voilà, il y avait un territoire, je ne pouvais pas écrire sur le cinéma. Du coup, m'intéresser au cinéma, c'est compris. Donc je me suis intéressé à la bande dessinée. J'étais un peu poussé de ce côté-là, donc je me suis intéressé à la bande dessinée. Et puis bon an, mal an, comme j'étais amené à m'occuper un peu de la revue, positif. Je me suis mis à écrire sur le cinéma d'animation, parce que ça, c'était un terrain que je pouvais investir, que par ailleurs, certains habitués, alors pas Benayou n'était plus, Paul Mitirard commençait à fatiguer un peu à moins pouvoir aller dans les festivals, donc je me suis mis à écrire sur le cinéma d'animation, qui était resté une passion, mais je n'étais pas du tout un spécialiste, je n'avais pas étudié plus que ça, j'en ai surtout beaucoup consommé, et puis surtout j'avais été nourri des textes des anciens. D'une façon, je pense, tout à fait, ça fait partie de l'histoire, hein, que l'historien dans la salle note méticuleusement, à positif, il y avait une tradition qui s'est heureusement perdue, je dis heureusement pour beaucoup de rédacteurs qui vivaient ça comme une souffrance, qui était qu'au comité de rédaction le dimanche, lequel se déroulait toujours chez mes parents, les rédacteurs lisaient leurs textes aux autres rédacteurs à haute voix. Voilà. Donc ils avaient comme jury Gérard Legrand, Jean Bourget, Alain Masson, etc. Donc, pour les jeunes, les nouveaux arrivants, c'était souvent assez éprouvant. Et puis moi, je jouais aux voitures par terre pendant ce temps-là. Donc j'ai écouté, j'ai entendu tout ça, puis en plus j'enchaînais le soir avec le Massé la Plume à la radio, qui ne parlait jamais d'animation, on s'en fout. Mais donc j'ai été baigné de ça. Donc ensuite, ben, c'est sorti tout seul, hein, quand je suis allé écrire sur l'animation. Et c'est vrai qu'aller dans les festivals et les rencontrer, je ne sais pas, des réalisateurs et leur dire bah oui, oui, ça, j'ai vu ce film-là à l'époque. Ils me regardent et ils disent c'est pas possible. Et effectivement, si, parce que je vous avais vu, Germain, ça m'avait marqué. Et ça, c'est, je pense que c'est irremplaçable. Alors, bon, je vais passer par de moi. Je pense qu'il y a quand même des choses à dire sur le long, très long processus de légitimation. Donc on a parlé un petit peu au cours de la journée du soin de l'animation à la critique. J'ai pris, puisque nous sommes sous la tutelle posthume d'André Martin, un texte d'André Martin qui est paru dans le cinéma 57, qui s'appelait « Pourquoi votre critique est muette ?» et qui interrogeait justement le fait que personne ne parle d'animation, qu'il y a une carence terrible dans la critique. Et donc, quelques tout petits extraits, parce que il parle du festival de 1555. Norman McLaren obtient à l'unanimité des jurys et des participants la palme d'or du court-métrage pour 7 minutes de cinéma, pas comme les autres. Les commentaires se firent cependant rares et la renommée peu bavarde. Par la suite, à chaque nouvelle projection, critiques et publics ont diversement reconnu l'incontestable primauté de Blinkity Blank, mais sans jamais entrer dans le détail. Et ça c'est, je pense que c'est quelque chose de très important et qui va suivre encore pendant des années. Jamais entrer dans le détail. Et cette discrétion, je saute, cette discrétion n'est pas récente, ce n'est plus la peine de reprocher aux générations critiques précédentes leur myopie, mais il faut reconnaître que ce qu'elles ont transmis ou rien sur Betty Boop, Crazy Cat ou Félix Le Chat provient d'eux-mêmes. Et plus loin, en principe, un véritable amateur de cinéma n'a pas de préférence, il goûte également un film de court ou un film de long, dessiné, peint ou tourné sous la mer, pourvu qu'il présente des qualités cinématographiques. Mais avec les films d'animation, la difficulté est d'abord de savoir. Alors que pour chaque film rentable et exploitable, la critique reçoit un dépliant, un brillant inséré, et parfois même une invitation pour un cocktail, quand il s'agit d'un dessin animé, rien, absolument rien, ne vient jamais la renseigner. Je me souviens de l'étonnement d'un spécialiste réalisant que le seul moyen pour avoir le nom des réalisateurs d'un film d'animation était de dérouler la pellicule et d'y aller voir directement. Voilà, un dernier tout petit passage. Personne n'ose mépriser ouvertement le court-métrage et nous aimons beaucoup Alain Resnais, Pavio Franju, Hans Uxdorf et Zgouriti. Mais que sait-on de Tex Avery dont nous ne parvenons pas à oublier les étonnants King Sash Canary et Bad Duck Lucky? Qui est Walt Disney et qui sont ses admirables collaborateurs, nous ne savons rien. Donc c'était en 57. En fait, quand je me suis mis à écrire, je reviens donc à Mouton, quand je me suis mis à écrire sur le cinéma d'animation, pour moi tout ça, c'était plus d'actualité que je croyais. Je me suis écrit, mais en fait, il n'y a personne. Hein. Enfin, il n'y a personne. Il y a quelques-uns qui sont dans cette salle, fort heureusement, mais il n'y a pas grand monde. Et ça a continué donc pendant encore longtemps. Et je rencontre encore aujourd'hui des critiques éminents qui ont des tribunes très connues et qui disent non mais moi je veux pas voir les films d'animation, j'y comprends rien, j'y connais rien. Je n'ai pas les bases, je n'ai pas les connaissances, je connais rien à la technique, etc. Et ça, c'est donc la peur de justement ne pas pouvoir entrer dans le détail fait qu'il reste à la porte. Et donc c'est vrai que le danger de ce savoir très parcellaire, enfin même inexistant, c'est soit de passer à côté, comme cela. Jérôme Garcin admet très peu souvent des films d'animation au sommaire de Masque et la Plume, tout simplement parce qu'il ne trouve pas assez, enfin il ne trouve pas quatre de ses critiques qui ont vu le film. Enfin, il y en a qu'un. Celui qui m'a formé. Soit être très complexé et du coup regarder les choses d'un peu loin, soit suivre le mouvement, alors comme le rappelait Hervé, sur par exemple suivre le mouvement marketing ou ce qui est dit dans le dossier de presse et répéter bêtement ce qu'on essaie de vous faire dire sur les films, comme c'était le cas sur Perfect Blue, mais d'autres fois. Donc je pense que c'est vrai que le fait qu'il y ait pas eu d'enseignement pendant très longtemps du cinéma d'animation à l'enseignement du cinéma, que beaucoup de revues le passaient un peu sous le silence, c'est certain. Hein. Les textes d'André Martin dans lesquels il y a eu du cinéma pendant très longtemps après, il n'y a pas eu grand-chose hein, sur l'animation. fait que les générations qui sont et puis évidemment le complexe du enfin le préjugé de films pour enfants, pour jeunesse, etc. Qui ne se pose pas d'ailleurs quand on se met en prison du réel. Hein. C'est drôle comme on ne fait pas de catégorie tellement qu'on se met en prison. Peu en ce moment plus de réel, mais on le fait très facilement pour le cinéma d'animation. Voilà les dangers qui guettent, et en fait, l'ensemble de la politique, hein, je généralise, mais l'essentiel, a plongé peut-être la première dans ces dangers. Il y a une autre chose, je pense aussi, qui est la nécessité, pour parler d'animation, d'abord d'inventer un langage. De savoir de quoi on parle. Ça, c'est une question, moi, qui me préoccupe pour parler de bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a un langage à inventer. Si on veut sortir des défauts qu'il y a eu à l'époque, d'employer que le structuralisme, que la sémiologie, il faut inventer un langage esthétique propre au médium. Le fait de l'essayer de frotter pour la bande dessinée m'a aidé sans doute un peu pour l'animation. Et ça répond tout simplement à une question toute bête, hein. Je pense qu'on va être d'accord là-dessus, c'est qu'il faut bien qu'à la fin de l'article ou du texte, on se dise on a parlé d'un film d'animation. Parce que souvent, moi, je lis des textes sur des films d'animation, et je me dis, mais on a parlé d'un film ou d'un film d'animation. Et est-ce qu'on a même parlé, d'ailleurs, pas d'un roman je sais pas, même pas si on va parler de cinéma dans ce texte. Et pour le cinéma d'animation, ça s'impose. Et ça s'impose en plus, ce qui s'impose aussi, c'est une autre culture. C'est-à-dire, je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que je crois des gens comme Ben Ayoun se sont intéressés à l'animation, que Adam Pirou s'est intéressé aussi, des gens du groupe surréaliste. Et que Positif a été très attiré par le cinéma d'animation, parce que Positif était une revue qui était irriguée par le surréalisme. C'est parce qu'il y avait une ouverture d'esprit sur une certaine folie, et que l'animation proposait quelque chose qui plaisait à ces esprits-là. Et qu'eux aussi, ils avaient une culture en matière de peinture, de plastique, de littérature, de poésie, qui leur permettait aussi de parler de ces films, de les comprendre, de les appréhender et d'en parler avec d'autres grilles de lecture que le seul cinéma. En général, les critiques de cinéma, pour la plupart, se cantonnent dans la seule sphère du cinéma et qu'on regarde assez peu d'autres arts. Je pense que pour le cinéma d'animation, de par ses formes, de par les techniques utilisées, etc., on est obligé d'avoir une connaissance, d'avoir un intérêt, un goût pour les autres formes d'art. Voilà, après, il y a plein d'autres choses à dire, mais voilà, je voulais livrer ça sur ce sentiment d'être parfois un peu seul, et puis ce qu'on a à mettre dans l'écriture sur son animation. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes de mes démis sur la table. On va garder un peu de temps. Alors, il y a aussi beaucoup de gens parmi vous, public, qui avaient écrit, donc on va garder un temps de discussion et n'hésitez pas aussi à nous apporter votre avis et vos impressions. N'hésitez pas de monopoliser non plus à nous soit la parole, mais peut-être un peu vous pouvez réagir déjà au point présenté par Simon. Est-ce qu'il y a des choses qui correspondent à votre expérience? Ah, je n'aurais pas tout à fait la même vision des choses, mais bon, ça convient de notre tradition qui est un peu différente, on va dire. Je crois que le malentendu, effectivement, par exemple, pour ce qui est des... Parce qu'au cahier, après tout, comme on sait, je vais avancer, c'est bien, Bazin est quand même quelqu'un qui, par la bande, a beaucoup évoqué l'animation, et de manière... Enfin, je veux dire, de ce point de vue-là, il y a aussi une tradition. Parce que c'est vrai que le gros malentendu, peut-être, qu'il y a eu au cahier, par exemple, c'est qu'effectivement, je ne suis pas sûr que c'était un mépris pour la technique ou que sais-je, mais c'était plutôt tout le problème toujours de la durée et l'imagerie, quoi. C'est-à-dire le fait que d'un certain point de vue, dans l'animation, il y avait effectivement tout de suite une imagerie qui s'imposait, mot, comme vous le savez, hautement péjoratif dans les cahiers, et que du coup, que toute cette question de la durée, du temps, etc., alors même que Bazin lui-même intègre bien la question de l'animation là-dedans, encore une fois, voilà. Donc, il y a eu ce malentendu, ça c'est sûr. Après, je pense vraiment que sur l'histoire de la référence à l'histoire de l'art, etc., je pense que c'est pas plus vrai pour le cinéma d'animation que pour autre chose. En revanche, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'en fait, ce que vous... C'est pour ça que je parlais de l'enjeu de la description au début, parce que c'est ça qui... ce que vous dites là sur les articles de presse, on pourrait dire de beaucoup de critiques en général. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement en termes de description, je dirais, physique, sonore, des textures, encore une fois, d'un film. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous lisez le papier, en gros, vous avez un synopsis commenté, on ne sait même pas à quoi ressemble la photo du film, par exemple. Donc, ça vaut tout autant pour le cinéma en prise de vue réelle que pour l'animation. Mais c'est vrai que. Donc voilà, et puis par ailleurs, quand même, sur cette fameuse ghettoisation, etc., de l'animation dans la critique, pour le coup, les choses ont quand même beaucoup évolué ces derniers temps, même alors après, en termes de qualité des textes, je ne sais pas, mais il est indéniable que quand même des gens comme Miyazaki, enfin des objets comme Miyazaki ou Pixar, ont indéniablement changé la donne, c'est-à-dire que... c'est pour ça que c'était passionnant de le faire à ce moment-là pour moi qui, sûrement, voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout, hein, mais c'était passionnant parce qu'il y avait un moment où, effectivement, enfin, il n'était plus aberrant d'affirmer que Miyazaki était un grand cinéaste de point. Pixar, c'est plus compliqué puisque c'est un studio, voilà. Mais je crois que ces gens-là ont fait beaucoup, notamment sur une question, peut-être pour apporter un biais sur le genre de questions qui me paraissaient concerner le cinéma dans son ensemble. Et qui notamment passionnait chez Pixar ou chez Miyazaki. Bon, d'une part, il y a aussi l'enjeu du numérique, quand même. Hein. C'est là aussi que, là, évidemment, c'est impossible maintenant de... Enfin, voilà, Gravity vient de sortir, Pixar, enfin, je veux dire, tout ça, c'est le même genre de question, et quand même, il y a bien là la prise de vue dite réelle et l'animation, on voit bien qu'il y a quand même une zone grise, à nouveau, gigantesque, qui se produit. Bon. Mais il y avait une question, en tous les cas, sur laquelle je m'étais attardé au fil de mes papiers, qui me paraissait être une question, pour le coup, vraiment décisive, et pour le cinéma, et pour tout. C'est cette question de l'anthropomorphisme, qui est une vieille question. Qu'est-ce que c'est que l'anthropomorphisme? Et précisément, question qui avait été complètement plombée, d'un certain point de vue, par le Disney de base. C'est-à-dire, tout le monde, effectivement, le côté enfantin supposé de l'anthropomorphisme, et le fait aussi qu'on en restait à la production de base Disney, effectivement, cette espèce d'anthropomorphisme, on va dire, très homogène et très verrouillé, en gros, des bêtes qui parlent, quoi. Hein. Et là, ce qui m'a passionné, c'est que des gens comme Miyazaki ou des gens des studios Pixar, par exemple, ils ne me paraissaient pas seulement admirables en vertu de leur art, de leur technique, de leur maestria technique, oui, de fait, mais c'était notamment qu'à l'évidence, ils reformulaient chacun à leur manière, par exemple, de manière totalement, enfin neuve, je ne sais pas, mais renouveler, revitaliser cette question de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voyait Toy Story, et qu'en même temps, il y avait le roi lion de Disney qui sortait, on disait, bon, il n'y a pas photo quand même, c'est-à-dire, là, le roi lion, on est toujours avec des singes et des hyènes qui parlent, là, tout d'un coup, Toy Story, là, ils inventent quelque chose. Et donc, voilà, par exemple, voilà, cette question de l'anthropomorphisme, ça paraissait passionnant, notamment parce que, et chez Miyazaki, et dans les films Pixar, c'est un anthropomorphisme toujours entravé, éclaté, et pas du tout homogène, c'est toujours très composite. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent, il y en a qui ne parlent pas, il manque tout. Il n'est pas naturel pour les personnages en question de parler, quoi, d'être des bêtes domestiques. Donc, il y a ce... Voilà, je ne sais pas, quand dans la haute Pixar, par exemple, il y a cette idée des chiens qui n'arrivent même pas à parler comme autrefois, qui doivent avoir une prothèse, ce genre de choses, ça, je trouve ça passionnant. Voilà. Et là, à l'évidence, dans l'animation grand public, puisque c'est quand même ce que j'ai essentiellement suivi, à l'évidence, il y avait quelque chose avec ces Miyazaki et Pixar, par exemple, qui me paraissait fantastique, quoi. Après, quand même, le classique, enfin, l'hégémonie Disney qui avait duré si longtemps. Donc voilà, par exemple, cette question d'anthropomorphisme, et cette question d'anthropomorphisme, je crois que l'animation en a nul le monopole. Je veux dire, faire de l'homme, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est de moins en moins ce que c'est, une forme humaine, enfin voilà. Kubrick le disait déjà dans 2001, pour parler d'une grande référence chez Pixar. Et donc, par exemple, cette question de la forme humaine, qu'est-ce que c'est que la forme humaine? À quoi ressemble un homme? Déjà, nous-mêmes, on sait de moins en moins, je dirais, dans notre vie. Et je veux dire, voilà, ce n'est pas l'apanage du cinéma d'animation, mais il se trouvait que l'animation, en l'occurrence, me paraissait un terrain, par exemple, passionnant pour reformuler cela. Voilà, par exemple. J'ai le sentiment que l'animation japonaise a joué un rôle important dans ce processus, même si je n'ai pas moi-même une visibilité très ancienne. Par exemple, justement, vous aviez écrit un texte sur Akira à une date quand même très ancienne, enfin, en tout cas par rapport à la renommée qu'a connue ensuite. Oui, en 91. J'ai noté. J'ai entendu des choses tout à l'heure, même sur Anime Land. Oui, ça fait partie aussi des choses qu'on n'a pas abordées, là, c'est la découverte. Sur l'anthropomorphisme, quand même, avant de parler ça, sur l'anthropomorphisme, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être obligé, quand on parle d'animation, mais c'est vrai aussi du cinéma, j'en conviens, mais peut-être encore plus d'animation, parce que l'animation utilise aussi d'autres techniques encore que le cinéma et d'autres formes d'art, de la peinture, de la sculpture, et que ça comprend aussi d'autres choses. Et sur l'anthropomorphisme, par exemple, de Disney de Mickey à Pixar de Cars, il y a le passage par Cavou, donc la bande dessinée française. C'est évident que Disney a voulu a beaucoup fait pour essayer de déboucher Cavour, enfin de revenir à Burbank, mais il n'est pas parvenu, mais qu'ensuite le travail de Cavour a beaucoup été étudié décortiqué dans les studios de Burbank, et que les gens chez Pixar ont eu connaissance de Rosalie Cavour, qui contient tout ce qui est avant Cars, mais tout, jusqu'à la statue au milieu de la place de la petite ville, avec le vieux taco en statues. Tout est dans le cadre. Ils sont très bien documentés. Pour revenir sur ce que je dis, notre sujet, il y a la découverte. La découverte, ça fait aussi partie du travail du critique. Sauf que là, pour le coup, il n'est pas du tout seul, et qu'il ne faut pas découvrir si on ne donne pas à voir non plus. Hein. Et puis quelquefois, après, il est aussi pris par les considérations éditoriales. Donc, par exemple, Miyazaki, c'est vrai que l'entretien positif date de 1995, il est publié en 1995, il a été fait en 1993. Alors, en même temps qu'Anime Land s'occupait de lui, sauf qu'il n'y avait pas l'actualité, il n'y avait pas de film, il n'était pas encore sorti. Donc, on le voit, mon père et moi, à Annecy, personne ne voulait rencontrer Miyazaki. C'est-à-dire que l'attaché de presse, c'était Robert Stokoff à l'époque, qui cherchait désespérément. Il disait, vous allez avoir du temps, là, vous êtes tout seul. Personne ne veut le rencontrer. Ça n'intéresse personne. Les seuls qui s'intéressent à lui à l'époque, c'est donc les geeks, les fans de manga et d'animé, et Mobius et Jean-Pierre Dionnet. Je ne vais pas un peu après, enfin un peu pas ce moment-là. Mais Mobius avait repéré, c'était aux aguets. On revient dans mon dessiné. Mais donc, pour dire que là, c'était Annecy. On voyait les films de Miyazaki pour la première fois à Annecy. Et pour la découverte, c'est évidemment d'abord les festivals qui font ce travail-là. Le travail de découverte, de défrichage, de parfois même critique, parce qu'il y a une éditorialisation, les festivals qui sont bien faits. Un programme, ça se construit, ça se documente, on présente les choses en principe avec un peu de matériel critique. Et puis le travail historique aussi, des rétrospectives, c'est les festivals qui font. Au moins, dans l'animation, en tout cas pendant très longtemps, beaucoup plus que les revues spécialisées. Et ça, je pense qu'il faut vraiment rendre hommage au festival pour ce qu'ils apportent en découverte aux critiques, ce qu'ils apportent aussi aux professionnels, aux producteurs, aux diffuseurs, etc. Enfin, et aux artistes. On a raconté tout à l'heure les premières JICA, j'en oublie un passage sur l'animation, les artistes en fait découvrent qui font cinéastes d'animation. Mais c'est encore vrai. C'est encore vrai aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas si longtemps, Peter Lord me racontait récemment que quand il est venu à Annecy, non, c'était Zagreb, je crois d'ailleurs, et qu'il a vu, employeur, employeur, s'est dit un peu, alors il y en a d'autres qui font des choses comme moi, quoi, enfin, qui, pas tout seul, il y a aussi des gens qui font du cinéma d'animation pour faire un peu autre chose que Disney, et c'était à l'occasion d'un festival, c'est tout seul ces gens-là. Et donc je pense qu'on ne dira jamais assez de festivals. Le Forum des images aussi, actuellement. Oui. Mais effectivement, on revient à cette question de l'accès aux films, et bien sûr, les revues de cinéma en particulier ont un rôle. J'ai su mettre en avant les films qui sortent en salle, et personnellement, j'ai fait les frais aux qualités qui n'ont pas fait paraître, parce que les films ne sont jamais sortis. Est-ce que dans la salle, il y a éventuellement des questions, parce que effectivement, même quitter dans pas très longtemps. Moi, ce que j'ai toujours été surpris par l'enthousiasme des journalistes pour Pixar, alors que je trouvais justement que les films étaient pas forcément terrible, je trouvais le début des Pixar géniaux, et puis alors, le milieu du film, voilà, je trouvais que ça... Et j'ai du mal à comprendre l'enthousiasme qu'il y avait, assez, pour moi, incompréhensible. J'ai trouvé les films bien, mais pas au point de déclencher un enthousiasme que j'ai trouvé complètement démesuré. Et je me souviens qu'en 2007, j'écrivais déjà que, à mon avis, ce serait pas... dans 70 ans, on n'en parlerait pas, comme on parlait de Blanche-Neige tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'ils marqueront à ce point-là. Le cinéma, je sais pas, mais pour moi, j'ai eu du mal à comprendre l'enthousiasme des critiques. Est-ce que vous avez une idée ou... Enfin, moi, est-ce que je suis seul à... Moi, effectivement, j'ai une idée. Moi, de toute façon, déjà, la l'histoire du cinéma, fiction, c'est pas... je pense que Wally sera évidemment un film qui restera, par exemple, ne serait-ce que par l'intelligence, de la façon dont il positionne sa... Okay. Wally. Ah oui. Ne serait-ce que parce qu'un film qui, 40 ans après 2001, se replace là-dedans et qui rejoue la hantise de l'informatique, mais assisté par ordinateur, là je trouve qu'il y a une tension quand même assez passionnante, c'est-à-dire la peur des ordinateurs assistés par ordinateur, c'est quand même quelque chose que je trouve assez intéressant. Après Pixar, je dirais à l'évidence là, ils sont dans une période de plat terrible, je crois qu'ils ont eu quand même, déjà historiquement quand même sur l'animation numérique et grand public, voilà, il y a eu quand même un travail de fait, je crois. Et surtout, je trouve qu'ils ont eu une très rare intelligence, si vous comparez avec DreamWorks par exemple, parce que ça qui est amusant, c'est quand même les studios, DreamWorks, c'est quand même assez lamentable en revanche, qu'il faut. Comparé à DreamWorks, il y avait une intelligence, je dirais, de leur technique, et surtout des limites de leur technique. C'est ça qui a été passionnant quand même chez Pixar. C'est que quand même Toy Story, qui à mon avis quand même reste un film proprement génial, c'est que quand même, au lieu de partir, ils avaient des ordinateurs, et au lieu de partir, je ne sais pas où, dans la savane, je ne sais quel lieu grandiose, ils arrivent à imposer un film avec un monsieur patate, une poupée, un cosmonaute, tout ça à ras de couette, enfin je veux dire, vraiment, les types qui arrivaient, on comprend que Disney a du temps à mettre un peu d'argent dans l'affaire, donc on va faire un film avec des poupées. Mais sauf que l'idée était géniale, justement, puisque c'était à la fois, c'était précisément parce qu'ils ne pouvaient faire que ça encore, des avatars plastifiés, et que de ce point de vue-là, ils ont touché quelque chose, précisément un anthropomorphisme, je dirais, vacillant, en danger, qui n'est pas arrivé à terme. Et je crois qu'à chaque fois, il y a eu comme ça, au fil des avancées techniques, je trouve une assez juste adéquation entre le film, le projet du film, alors après, voilà, et le seuil où ils étaient. Voilà, et ça, rien que ça. Je dirais que ça documente, d'un certain point de vue quand même, je dirais, la fabrique. Alors après, c'est vrai, vous pouvez reprocher éventuellement de faire exclusivement dans le métafilmique, c'est-à-dire le film comme une fable, sa propre fabrication, etc. Et franchement, quand on voit Wally, par exemple, voilà, un robot qui a dans son ventre un Hello Dolly, enfin des vues analogiques, ah, je trouve ça assez passionnant, voilà. 40 minutes entièrement muette. Voilà, 40 minutes entièrement muette, un robot qui est une espèce de petit musée de l'homme, qui est presque le dernier à regarder des films. Enfin voilà, je trouve qu'il y a des idées là-dedans passionnantes quand même. Et pour moi, oui, c'est en prison. De bonnes idées, et c'est comme là-haut, sauf que le début est génial, et après on s'ennuie. Enfin, il y a peut-être un cahier des charges qui normalise un peu, mais la première moitié de Wally, écoutez, je trouve ça assez fort. Le début de Wally, ouais. Ouais, enfin, mais après on s'ennuie. Enfin, moi je m'en fous. Parce que tu dis c'est le début. Oui, c'est le début, c'est passionnant. C'est-à-dire tous ces films qui restent, des films de seuil, qui marquent le début de quelque chose. Mais c'est ce qu'il voilà, ce qui vient de dire. Mais c'est pareil pour Disney, c'est pareil pour Blanche-Neige, c'est pareil pour chaque fois qu'il y a un seuil, et ils ne font que de, ils ne parlent que de leur propre conception. Chaque fois qu'il y a un grand montage, je ne sais pas si vous avez question de vous, il reste dans l'histoire parce qu'il est un seuil. Voilà. Chaque fois c'est pareil, et je me suis même aperçu qu'il y avait des films qui rataient leur seuil. J'ai un exemple, je ne vais faire de mal à personne, mais Renaissance, hein, de Christian Hoffmann. Voilà, c'est un film qui a raté son seuil. Parce que manifestement, il a tout pour être un truc. Avec ce qu'on peut faire à ce moment-là, on n'est pas encore dans la performance capture, mais on est presque. Il serait exactement au moment où voilà, on serait presque et on peut jouer avec les limites. Il y a une idée de génie, c'est de refaire un truc que McLaren avait fait de façon géniale, se couper les ombres. Mais le scénario est une merde. C'est ça. Alors, il faut des très grands scénarios. Pour qu'il y ait un seuil, il faut qu'il y ait des très grands scénarios. Mais graphiquement, c'est Frank Miller, enfin, comment ça s'appelle, Sin City Frank Miller, animé plutôt voilà, avec la technique qu'il faut, je pense, encore tout à fait assez performant, mais surtout une culture juste naze, quoi. C'est pas. Là, c'est foutu. Bah oui. Et enfin, c'est le cas pour beaucoup de films. Hein. Mais Arbutin, j'en profite puisque tu avais la parole pour dire, tu exagères quand même de dire que c'est parce qu'ils étaient de droite qu'on les oublie. Parce que quand même, je connais quelques jeunes turcs, mais oui, quand même bien de droite, et c'est quand même le groupe dont on parle le plus dans toute l'histoire de. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils étaient avec eux. C'est parce qu'après, ils sont devenus narodnikistes, ils sont devenus gauche. Ah, c'est pas les mêmes. Oui, mais dans l'histoire, c'est l'histoire des partis pour ça. Et là, pour le coup, c'était droit plutôt radical. Hein. Oui, mais ceux qui virent sont restés dans l'histoire. Ah, justement, c'est la question que j'avais. C'est la question que je voulais justement demander à Gilles Simon, justement. Quand vous présentez justement positif, comment on est intéressé par le cinéma animation, est-ce que justement il n'y a pas une double tension que souligne Hervé, c'est-à-dire entre une faction des rédacteurs qui sont intéressés au film d'animation parce qu'ils représentent finalement l'art total que la critique de droite des années 20 et 30 avait rêvé de ses vœux pieux, et finalement une autre branche qui est celle de Ben Ayoun, peut-être celle de Jean Boulet, de Boris Vian, la revue Saint-Germain de Pierre. Les prêts, etc., qui dans les années 48-49 étaient déjà intéressés au film d'animation, mais plus sous l'angle de la contre-culture, finalement, plus une branche finalement plus surréaliste, un peu à gauche. Oui, bah, c'est super. Est-ce qu'on peut identifier ça ou pas? Donc, voilà. Oui, en disant qu'ils se rejoignent, ils sont en France sur l'animation, mais pas vraiment, parce que quand même, on va vraiment continuer. Heureusement qu'ils vont en Remartin, quoi, hein, sinon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une revue qui est plus irriguée par le surréalisme, par les idées de gauche, par un engagement à gauche, etc. Enfin, c'est une revue de droite, plutôt extrême. voilà, mais j'en tirerai pas beaucoup de conclusions sur l'animation, hein, sur le goût pour l'animation. Enfin, si, moi, je pense que l'inspiration surréaliste, en tout a ouvert les surprises. Et voilà, sur beaucoup moins d'a priori, forcément. Je pense que ça a beaucoup joué dans le goût positif pour l'animation. Et après, ça a perduré avec d'autres générations critiques qui n'étaient pas de ce groupe-là. Ah, François Thomas, qu'on a cité tout à l'heure, notamment. Oui, moi, je voudrais revenir sur plusieurs questions que posent en fait vos deux interventions. Donc, d'abord, par rapport à Hervé Aubron sur les cahiers du cinéma, personnellement, j'ai une autre expérience du rapport au cahier qui date de 1985, ça ne me rajeunit pas. Mais à l'époque, je fais donc une interview fleuve de Jean-François Laguillemie et que j'envoie à tout hasard au cahier. Et à ma grande surprise, j'ai un coup de téléphone de Serge Toubiana 3 jours après qui me dit passez me voir. Donc j'y vais. Et j'ai une longue discussion avec Toubiana dans son bureau qui m'explique en long et en large en quoi le cinéma d'animation est absolument un sujet d'inintérêt pour les cahiers du cinéma. Et le justifiant, je dirais très honnêtement, c'est-à-dire qu'on a eu une discussion très ouverte, moi je n'y avais pas du tout évidemment. D'un point de vue pour me friter, disons, avec Toubiana. J'y allais simplement pour essayer de développer ce travail critique sur l'animation. Et lui m'explique en fait que lui, il n'a pas la sensibilité sensibilité à ça et qui vraiment... Lui, il sache tout bien là. Comment ? Il n'est pas tous les cahiers. Et absolument, absolument. On oui. oublie parfois ça. Non, mais c'est bien qu'en même temps, c'était quand même la figure du père à ce moment-là, du point de vue des cahiers, mais en même temps, il ouvre la porte. C'était tout à fait... Oui, mais au passage, même, enfin, juste parce que, par exemple, quelqu'un comme Jean-Paul Fargy, il faisait quand même un travail au cahier, par exemple, à l'époque, aux confins de l'art vidéo, de l'animation, enfin, il y avait des gens, quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que Serge Toubiana, très franchement, c'était peut-être pas le meilleur interlocuteur. C'est vrai, c'était pas le meilleur interlocuteur. En même temps, bon, il ouvre la porte, donc j'en suis heureux. Oui, bien sûr. Et il fait un grand dossier, hein, je réalise un grand dossier, sous, à sa demande, et qui n'était pas simplement cantonné, d'ailleurs, à l'interview de Jean-François Aguillon. Mais non, mais ça, simplement, je dis ça pour dire qu'il y a eu plusieurs périodes dans le rapport des cahiers à la critique de l'animation, et que ça, c'était l'une des périodes. Et que d'autre part, et j'en viens d'ailleurs à la période présente, par exemple, des cahiers du cinéma, que vous évoquiez par rapport à votre intérêt pour le travail de Pixar, que je partageais d'ailleurs en partie, je dirais que... moi, ce qui me déçoit, par exemple, du point de vue des revues actuelles, notamment des cahiers, c'est que les cahiers ont eu un rôle pionnier, précurseur, de découverte, de réalisateurs dont ils ont réussi à tresser, disons, des portraits à partir d'une sensibilité précise qu'ils avaient, et bien évidemment, sur le champ d'animation, ce phénomène-là ne s'est pas produit. Il existe plus, en effet, du côté de positif historiquement. Et ça renvoie certainement aux deux questions que vous avez posées l'un et l'autre sur la nature de l'écriture. Bon, j'écoutais avec attention ce que vous disiez et qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que quand vous dites que quand vous avez découvert la première fois le film que vous citiez tout à l'heure et que vous étiez intéressé par la texture et que vous tentiez de rendre compte par l'écriture de cette texture, je pense en effet qu'on est au centre de la question de la critique écrite sur le cinéma d'animation. Et à mon avis, bon, c'est la même question, Gilles, que tu poses quand tu parles de langage, nécessité de travailler un langage et d'élaborer un langage. Et la question personnellement que je me pose aujourd'hui par rapport à ces grandes revues de cinéma existantes, c'est que je constate que il manque une case, c'est-à-dire où peut-on exprimer quelque chose qui parlerait notamment de la création contemporaine et pas simplement de la création contemporaine grand public, mais je dis en référence par exemple aux travaux d'école auxquels je suis régulièrement confronté et régulièrement confronté à des demandes d'étudiants qui sont des étudiants brillants et de jeunes réalisateurs et qui cherchent désespérément non pas éditeurs mais auteurs, pour parler d'Orphélie. Ça, c'est sur Internet, ça se trouve maintenant. Ça, c'est, ça s'est déporté sur le net. C'est moi le problème. Mais en plus, on peut les montrer, notamment les cours d'étudiants. Oui. Bonjour. On va peut-être pas vous faire gratter votre temps, donc on va clore ici cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va juste intervertir sur le programme. Je vois qu'ils sont arrivés, donc on va passer tout de suite. Et Sébastien Denis a